Sur la 20, moi, il y a quelques semaines, quand je suis remonté, c'était toutes les faces du PQ. Mais là, ça a l'air que tout le monde y est passé. Là. Tout le monde a été découpé. Des auditeurs qui nous ont appelés dans les dernières minutes pour nous signaler ça. Là. Tout le monde a passé au découpage. Il me semble que c'est moins long faire une moustache au crayon feutre que de découper les faces. Ouais. Il y a du monde qui ont beaucoup trop de temps dans leur exact. Vie. Exact. Pas mal. Hey, je peux faire mon gag de Manon Massé? Vas-y donc. Sais-tu pourquoi les pancartes de Manon Massé sont les seules à ne pas être vandalisées? Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à ajouter. OK. Tu veux faire quoi? le geste de vandalisme ne rajouterait rien. Non. Ben, les plus presbytes pensent que quelqu'un est passé avant eux autres. Ah, oh, ceux-là, la job est déjà faite. On va en faire deux fois, c'est pas drôle. Ouais, c'est pas fou, ça. Excusez-nous. C'est pas fou. Ouais.